ma bombe, bombe. Chaque fois que je sors en clap, y en a qui me regardent de travers. Je vous ferai leur petite cravate, je ferai des trous dans leur foyer. Ma bombe, bombe. Ma bombe, bombe. Ha, ha. C'est nous les kids de la New Wave. La gulag comme nous poussons.